أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mada akhadna fi al-dars al-madi, akhadna masail minha, mada, tfaddalu, indaman. إذا دخل المرأة في وقت يعني إذا دخل وقت الصلاة والمرأة هي حائضة ثم تهرب هل تصلي باقي وقت الصلاة وكذلك يعني عكس إذا دخل في وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت هل تقضي الصلاة أم لا؟ أخذنا مسألة ونبقي مسألة إذا دخلت في الصلاة مثلا على لا دوزيام ركعه وحاضت اسكل صوغ من الصلاه ما اخذنا هذه قبلي مو نبحث عن هذه المساله اولا تنبيه انا فيديو لا فتوى شيخ ابن عثيمين اذا حاضت المراه الساعه الواحده ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاه الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاه بعد الظهر وانا جيت مساله ان اون فام مثلا à Dohr, c'est à midi, et à une heure de l'après-midi, et une heure après Dohr, j'ai al-Hayd, al-Dawra. Cette heure, c'est l'heure du Dohr. Et elle, elle n'a pas fait salat al-Dohr. On avait bien, elle n'est pas obligée de le faire au début de l'heure. Enfin, l'ulama a khtalafu. Bon, l'ulama, ils ont dit, elle doit rattraper salat al-Dohr, elle n'a pas fait alors qu'elle devait la faire. Et bon, l'ulama, ils ont dit, là, elle n'est pas... Elle n'a pas eu de tafrit. Faqalu annaha li ma'dour. Et on avait détaillé hada. Al-muhim huna, anna Cheikh Ibn Uthaymeen, on avait lu son kalam, la fatwa numéro 21 de cette risala, 60 questions fi ahkam al-hayd wa an-nifas. Et on avait lu son kalam, il avait pas radjah. Il avait cité le khilaf, et il avait nabbah anna l'ihtiyat, pour s'écarter des doutes, al-ghatraf salat al-duhur. مثلا لأنها صلاة واحدة يبقى مشقة هذا الكلام كنا لديه شغل عثيمين et une autre fatwa numéro 31 la même risale il lui pose la même question et شغل عثيمين dans cette fatwa numéro 31 il est clair أنه سواجب كالغطحب فنحن on lit cette fatwa حتى كلام شغل عثيمين رحمة الله عليه la première fatwa il a pas رجح et la deuxième fatwa il a رجح son avis c'est que c'est obligatoire والذي يظهر أن c'est pas obligatoire على ما تقدم من التفصيل أنه من باب الاحتياط c'est أفضل أما هي لمعذورة أصلا ça les détails c'est dans le درس précédent نحن فقط on lit la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen حتى on a l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen قال رحمة الله عليه il a répondu à la même question قال المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة يجب عليها شيخ العثيمين هنا il est clair أنه واجب عليها الغطخب قال التي حاضت في وقتها أي elle était en état de pureté elle pouvait faire salat à la retarder elle a été touchée par le حيض فشيخ العثيمين يقول elle doit غطخب الصلاة قال إذا لم تصليها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة تقدم هذا الحديث معنا كثيرا قال فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء هذا الدليل تقدم معنا أنهم يستدلون بهذا كما تقدم الاحتياط pour sortir de ce khilaf anna al-mar'a al-ghatkhab sat salat wa insha Allah la ma'jura wa la yadurruha ay yafad mashaqqa in salat insha Allah ya aucune gêne hada wallahu a'lam c'était pour compléter ma taqaddam qala al-allama al-shaykh salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala thaniyan on avait dit que cette risala ay bab ahkam al-hayd wa an-nifas min al-mulakhas al-fiqhi الشيخ الفوزان حفظه الله إلا partagé en trois. Premier cas, الحيض. الحمد لله انتهينا. Deuxième cas, الاستحاضة. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Troisième cas, النفاس. Et Inch'Allah, ça sera les derniers cours. تقدم معنا التنبيه وكلام يسير على الاستحاضة إن شاء الله الآن نضيطي قليلا. قال الشيخ الفوزان: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. أولا رحمة الله عليه استثل التعريف الاستحاضة سيلان الدم فسيكم الحيض ساني كل منتصر لكن في غير وقته. أما الحيض تقدم أن سيامو مبخسي سكونا بلا الدورة للسيكل 4 jours, 5 jours, 6 jours, ça dépend de la femme. أما الاستحاضة هذا الدم اللي مستمر. كذلك il y a une différence entre دم الحيض ودم الاستحاضة. تذكرون les différences qu'on a cité من كلام شيخ ابن عثيمين 3 أو 4. La première, اللون. دم الحيض اللي تكلكلا اللي أسود ودم الاستحاضة اللي أحمر. لماذا؟ لأن دم الاستحاضة يصور دون فين دون أختير مباشرة. أما دم الحيض اللي غستي دون سيت اندروا حتى إلى شانجي دكولا. كذلك الرائحة. رائحة دم الحيض نعم لكريهة. ودم الاستحاضة عاد دم عاد. كذلك نعم الابسر دم الحيض غليظ. نعم اللي غليظ. دم الاستحاضة الى عادي. هذا فهي une différence. Il y a une différence dans l'aspect du sang et il y a une différence dans le temps, dans le moment de l'écoulement. دم الحيض c'est quelques jours à des moments précis normalement. هذا on avait dit ان الحيض ça peut changer de moment, la durée كذلك. اهم شيء c'est que c'est du sang. Il a les caractéristiques de l'haïd. Amma l'istihada, il est mustamir, il est wasil, il est permanent. Hada, ça fait partie des différences. Wahada taqaddam, on a fait un résumé là. Qala ala sabil al-nazif min irqin yusamma al-adil. Contrairement à l'haïd. Fahada, c'est un écoulement de sang. Il a des esbats. Dhakaraha ou dhakara ba'daha. الشيخ البسام رحمة الله عليه في توضيح الأحكام قال رحمة الله عليه صفحة 440 باش 442 توضيح الأحكام المجلد الأول فوليوم 1 قال: الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة. فمثلا الحائض ألا نيكول مونتسون بوندون 8 جور شاك موا. المستحاضة مثلا سي بيرمانون. قال: ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم. En général, c'est à cause d'une maladie, التهاب, des inflammations ou autre. Enfin, ça provoque cet écoulement de sang. C'est pas un sang naturel. مثل الحيض. الحيض في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il a démontré النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء هذا الدم الحيض كتب على بنات آدم. Toutes les femmes elles sont touchées par هذا. C'est ça l'asse. أما الاستحاضة لا. الاستحاضة c'est un genre de maladie. قال: وقد يكون خروجه بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسية. كذلك ça peut être à cause de la prise de certains médicaments. Ça provoque cet écoulement de sang. على كل حال c'est une maladie et elle a des أسباب. هذا الدم الآن الاستحاضة on va voir qu'il a des ahkam. Et l'ulama, il le cite avec l'haïd. Awalan, parce qu'il y a des adillah. Hadith Aisha. Wa ghayriha. Et kadhalik, parce que c'est un écoulement de sang. C'est pour ça que, fi abwab al-fiqh, bab al-haïd, il cite toujours ces trois cas. Al-haïd, c'est un écoulement de sang, taqaddam. Al-istihada, c'est un écoulement de sang, sayati ma'ana, inshallah, liyom. Ou al-nifas, c'est un écoulement de sang après l'accouchement, sayati ma'ana, inshallah. قال الشيخ الفوزان: والمستحاضة أمرها مشكل. يعني إشكال كبير في هذا الباب. لماذا؟ أولا parce que ça ressemble à دم الحيض. ثانيا لأن الدم il est permanent. Il est coulement. فça va poser un إشكال. Est-ce qu'elle fait الصلاة؟ Est-ce qu'elle fait pas الصلاة؟ Est-ce que c'est دم الحيض أم لا؟ ربما يلتبس على المرأة Kahada, ça va provoquer tout ça des ishkalades. Kadalik, la plupart des hadiths via Dalbab, ils sont vaïfs. Kanazayati. Ça rajoute du ishkal. Wa kadalik, amra l'istihada, il est mouchkil, il y a un khilaf wasi' bayna ahl al-ilm. Tout ça, c'est la cause de ce kalam de Cheikh Al-Fawzan. Wa al-mustahada amruha mouchkil. Lakin, al-mar'a tajtahid. Elle étudie cette mas'ala. Si elle est atteinte par هذا الدم دم الاستحاضة inshallah elle choisit les aqwal les plus proches du haqq et ta'amal biha wala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha fattaqu Allah ma istata'tum. Et nahnu inshallah on essaie de simplifier kalam Cheikh Al-Fawzan wa kalam ahl al-'ilm et inshallah on sortira avec une natija, un résumé. Wa nas Allah subhanahu wa ta'ala yanfa' bih. Qala wal mustahaḍ أمرها مشكل لاشتباهه دم الحيض بدم الاستحاضة. شيخنا تيمين لا سيتي لي ديفيرونس لكن احيانا سا بو ريسومبلي جدا في هذا الحال هي اشكال لكن ان شاء الله سياتي الحل. قال فاذا كان الدم ينزل منها باستمرار او غالب الوقت سا بو ات باستمرار 1 ans 2 ans 4 ans اكثر اقل اي سا بو ات غالب الوقت sur le mois maintenant pendant 25 jours, pendant 29 jours, pendant 28 jours, غالب الوقت, le mois entier ou presque le mois entier. قال فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من اجله الصوم والصلاه. الان شيخ الفوزان il montre le ishkal et il pose une question. Si cette femme le sent, cet écoulement il est régulier, il est permanent. Quand est-ce qu'elle fait salat, elle délaisse salat? Est-ce qu'elle peut faire siyam? Elle ne fait pas siyam. Quand est-ce qu'elle est à la tour? Quand est-ce qu'elle n'est plus à la tour? Là, l'écoulement, il est wasil. Vous avez compris l'ishkal. Ce n'est pas comme le hayd. Le hayd, en fait, c'est simple. Il y a un écoulement de sang. Quand il y a l'écoulement, elle arrête. Elle ne fait plus salat, elle ne fait pas siyam. Elle a l'ahkam le hayd qu'on a vu en détail. Quand l'écoulement il cesse et elle voit alamat al-tuhr, taghtasil, et tout ce qui lui était interdit, elle peut le faire. Il y en a les plans d'état de hayd. Le sang il est wasil, il est régulier, il est permanent. Ça provoque un ishkal. Qala fa inna al mustahadata yu'tabar laha ahkam al tahirat. Et ça c'est une règle mujmala. Al asl anna al mustahada ala ahkam al tahirat. Et c'est comme si elle n'avait pas le hayd. Cet écoulement de sang c'est une maladie. Elle se nettoie comme on va voir et elle fait l'eau avant salat. Est-ce qu'elle fait le ghusl? On verra. La chaque elle fait l'eau, la chaque elle se nettoie. Amma hiya ala hukm al-tahira. Al-mustahada ala hukm al-tahira. Lakin l'ishkal 1, c'est que pendant cet écoulement de sang, est-ce qu'elle est comptée en état de hayd amla? Al-mustahada, elle va avoir maintenant pendant tout le mois, le sang écoule. Comment elle fait pour reconnaître la période de hayd? Maintenant, sa période de hayd, c'est 8 jours. Comment elle fait? Si le sang il change et elle reconnaît que c'est du sang de l'haïd, elle est en état de haïd pendant ces 8 jours, ou 9 jours, ou aqal, ou akthar. Si elle ne peut pas différencier entre le sang, ce sang et l'autre, lakin, avant cette maladie, sa daoura, son cycle, c'était toujours le même, vous allez voir comment l'ulama, ils disent, elle compte ce cycle. Maintenant, c'était 8 jours le début de chaque mois. Enfin, 8 jours début de chaque mois, elle est en état de hayd. Elle délaisse salat, elle délaisse siyam il akhir. Si elle n'arrive pas à différencier entre les deux sangs, et sa daura, elle n'était pas matbouta, elle est toujours dans un temps régulier, un moment précis, هذا الآن يا إشكال. Et في هذا, vous allez voir que l'ulama اختلفوا كثيرا. C'est pour ça que Cheikh Fawzan, il va citer 3 cas. Et nous, on vient de les résumer. قال وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. Avant de lire l'an, vous avez compris elle pourra différencier entre les deux sangs. Il y a une différence. Si elle peut différencier, alhamdulillah. Quand c'est le hayd, elle a ahkam le hayd. Quand c'est plus d'un hayd, c'est une maladie. Et inshallah, elle fait salat, elle fait siyam et elle se nettoie faqat. Et elle fait l'eau d'eau ou le ghusl avant le salat. Si elle ne peut pas différencier, lakin, elle connaît sa daura, c'est quand, le moment précis, on verra que c'est un deuxième cas. Si elle ne peut pas différencier les deux sangs, et elle ne connaît pas exactement le moment de son cycle, ça sera le troisième cas et on verra la solution. قال الشيخ الفوزان: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، مثلا chaque début de mois son cycle c'est 5 jours. Ton mal est atteint cette femme par cette maladie, un écoulement de sang permanent. Elle connaît son cycle. Enfin, cette période, elle délaisse salat, elle délaisse siyam et elle a hukm al hayd. نحن الآن on cite فقط des exemples. أما الترجيح سيأتي معنا. Est-ce qu'elle doit arrêter le salat? Est-ce qu'elle ne doit pas? سيأتي معنا هذا. لكن فقط الآن on vous explique الحالات حتى vous avez une image, un aperçu de cette مسألة. قال بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام. Ça c'est des exemples. مثلا في أول الشهر أو وسطه. قال فتعرف عددها. فتعرف أي هذه المرأة عددها ووقتها. أي الكونت le nombre de jours et le temps. Quand est-ce que le cycle vient? Au début, milieu, fin de mois. كذلك الكونت la durée. 4 jours, 5 jours, 9 jours إلى آخر. قال فهذه تجلس قدر عادتها. هذه المرأة elle fait pas salat et elle fait pas siyam le temps de son cycle. Même si elle n'arrive pas à meyiz entre les deux sangs. مثلاً التبس عليها لكن il lui reste elle a ce mizan. الدورة lui vient chaque mois début de mois 5 jours مثلاً فcette période elle délaisse salat et siyam. قال فهذه تجلس قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام. قال وتعتبر لها أحكام الحيض. كم ولا في الآن الحالة الأولى تعرف الدورة قبل نزول الحيض. تعرف إيش الدورة؟ نعم أي le nombre de jours et le moment du cycle. Début de mois مثلا 7 jours. Elle n'arrive pas à savoir si c'est du sang حيض أو استحاضة. Elle se base sur sa daura, sur son cycle. Début de mois, 7 jours, elle fait plus salat, elle fait pas siyam. Ça, c'est le premier cas. قال وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت. الحالة الأولى, elle est atteinte par cette maladie, écoulement de sang permanent, elle se base sur ses connaissances de sa daura. Au début de mois, elle fait plus salat et siyam pendant 5 jours. Quand cette durée elle est finie, تغتسل et elle fait salat. Est-ce qu'il y a encore l'écoulement de sang après ces 5 jours? Est-ce qu'il y a encore un écoulement de sang? Non. Hein? Non. C'est on a fait le mustahada, le sang il est wasil. Le sang il est wasil. On a fini le haid. Période de haid, non. Au bout de 5 jours, matalan, son cycle, il n'y a plus d'écoulement de sang. Ben elle va voir alamat al-tuhr. تغتسل. أما الآن on a fait l'istihada. Elle calcule فقط, أما l'écoulement de sang il est wasil. لكن vu que c'est une maladie, تغتسل et elle fait salat. On va voir, est-ce qu'elle fait le ghusl pour chaque salat ou yakfiha l'wudu. Lakin huna le ghusl il est wajib, lianna c'est le ghusl après le hayd. Faut bien différencier. Al-an elle fait le ghusl lianna sa période de hayd elle est finie. Lakin l'écoulement de sang il est wasil. Est-ce que à cause de cet écoulement de sang elle fait l'wudu? La chak elle fera l'wudu. Est-ce qu'elle fait le ghusl? On verra. Est-ce qu'elle fait le ghusl pour chaque salat? فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a un écoulement de sang? La chak. فلهذا شيخ الفوزان يقول واعتبرت الدم الباقي. Il y a encore du sang qui coule. C'est الدم الاستحاضة. Elle n'est plus في الدم الحيض. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك أو تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. هذا دليل هذا القول انها الغت او الف او نعم الغت de faire salat pendant la période son cycle ثم si c'est fini elle reprend salat ولا aussi un écoulement de sang c'est دم الاستحاضة. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. فإذا أقبلت حيضتك أي الآن ست فم رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش elle demande au النبي صلى الله عليه وسلم un écoulement de sang permanent. النبي صلى الله عليه وسلم il lui démontre que c'est pas le حيض لأن الحيض c'est une période précise une durée précise. الآن الإكلمون اللي واصل اللي بيرمانون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. Comment elle va savoir? Emma, elle verra la différence entre les deux sangs. Maintenant, pendant 15 jours, elle a un écoulement de sang. Adi, mustahala. Tumma, le sang il change. Et elle reconnaît cette femme. Elle sait que c'est Damal Haïd. Elle arrête le salat. Et elle fait pas ce siyam. Et son mari n'a pas le droit d'avoir des rapports. Tous les hakams qu'on a cités. Les mada, il y en a une différence de couleur, il y a une différence d'odeur, il est plus épais, tout ce qu'on a vu. Tumma, maintenant, au bout de 6 jours, le sang il redevient normal. Et elle sait que son cycle s'approche 6 jours. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si la période de haïd elle s'arrête et le sang il change, elle reprend salat et siyam tartassil il a arrêté. Ça c'est si elle voit la différence entre les deux sangs. Or, le cas qu'on vient de voir là, elle n'arrive pas à voir la différence entre les deux sangs, elle qadr. Elle sait que chaque mois 5 jours, enfin pendant 5 jours, elle délaisse la salat ou le siyam. C'est sa période. Premier cas, qui c'est qui résume ? On finit le kalam. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة متفق عليه. تقدم معنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش كثير. فالحالة الأولى c'est quoi le résumé ? إذا حصلت حيض ولا يميز بين الحيض والنفاس هي يعود إلى إلى الدورة ما قبل الحيض. نعم. هاي son habitude. La doura habituelle chaque début de mois 5 jours. Chaque début de mois, 5 jours, elle arrête de faire salat, elle est en état de haïd. Et elle, cette femme-là, elle est malade. Mustahada, elle a du sang. Donc, elle qadr, vu que son habitude c'était tous les débuts de mois, 5 jours, chaque début de mois, 5 jours, elle délaisse salat. Ala hada al-qawl. Al-dalil, hadith, al-qawl Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li habiba, ثم كتي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذا واضح. On fera des précisions. On lit Kalam Shir al-Fawzan, on le comprend. Tumma, on lit et on voit est-ce que c'est sawab, est-ce qu'il y a des choses à rajouter avec Kalam Ahl al-Ilm. Al-halatu thaniya. Idha lam yakun laha 'adatun ma'rufa. Ça va provoquer un ishkal. Limada? Lianna cette femme, elle n'a pas une 'ada ma'rufa. Ahyanan c'est début de mois, ahyanan c'est milieu de mois, ahyanan c'est 4 jours, ahyanan c'est 7 jours. Est-ce qu'elle peut appliquer al-halatu al-oula عندك? لماذا? لأن العادة يختلف. نعم, si elle dit je fais au début de mois 5 jours, on lui répond là. لأن tu as déjà eu un cas, ton cycle c'était au milieu du mois. لماذا tu le mettrais au début du mois? Si elle dit j'arrête de faire salat 5 jours, on lui dit là. Tu as déjà eu un cas, ton cycle c'était 9 jours. فلماذا 5 jours? Vous avez vu la différence. Elle ne peut pas faire comme le premier cas. قال إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا. نعم. الآن cette femme elle peut pas se baser sur l'habitude de son cycle. Il y en a, son cycle il change à chaque fois. لكن elle peut différencier entre les deux sangs. Quand elle voit le sang de الحيض elle est en état de حيض. Quand le sang il redevient normal elle est en état d'استحاضة. Elle peut faire la différence. Quand elle est en état de haïd, elle délaisse salat, elle délaisse siyam, il a akhir. قال فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة. تغتسل, même si l'écoulement de sang continue, c'est du sang normal, استحاضة. تغتسل, et elle fait salat et elle fait siyam. قال فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة. تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيد. وجوبا, ce اغتسال. الواجب تغتسل عند نهاية الذي أي الدم الذي يحمل صفة الحيض أي الدم. قال وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا. نعم, ولو يعني كل من صوم ستكون من صوم تبقى الكمباريه سلسل بول أي سن مرض. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم قال في الحاشية ثبت وصح وقال ابن حزم ثبت وصح في الحاشية أي ابن حزم رحمة الله عليه إلى صحح الحديد ابن حبان كذلك والحاكم تأتي معنا أنه لضعيف قال ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره هذا لا شك فيه si elle peut faire ce tamise entre les deux sens elle sait que ce sens c'est le haïd et ce sens c'est pas le haïd فطيب أما الحديث il est ضعيف نقرأ كلام الشيخ محمد بن حزام في تحقيق بلوغ المرام حديث نميرو 132 page 392 392 قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض Elle était touchée par دم الاستحاضة أي cet écoulement de sang permanent فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر أي سيسبا دم الحيض سدم الاستحاضة قال فتوضئي وصلي قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم كذلك ابن حزم صححه قال واستنكره أبو حاتم العلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه قال في الحاشية منكر أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة فبه قال أبو حاتم رحمه الله كما في العلل لولده أي ابن أبي حاتم قال لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر أي تفرد بها محمد بن عمرو عن الزهري أي personne a rapporté cette رواية sauf محمد بن عمرو عن الزهري قال وأشار إلى إعلاله النسائي أيضا النسائي رحمة الله عليه إلى rapporté الحديث إلى فين إشارة إلى démontré أن الحديث إلى معل فيه شيء قلت أي الشيخ محمد المراد أن محمد بن عمرو تفرد بهذا الحديث في رد المستحاضة إلى التمييز قال وسائر الرواة يرونه بردها إلى عادتها كما في الصحيحين وغيرهما Et c'est ça qui va provoquer le khilaf. Bah, les ulama, ils vont démontrer que l'asl, c'est la femme, elle revient à l'habitude de sa daoura. Bah, les ulama, ils vont dire qu'elle revient à tamyiz ad-dam. Tu fais passer lequel avant. C'est ça qui va provoquer le khilaf. Amma ce hadith, il est daif. Amma les hadiths qui démontrent qu'elle doit revenir à sa daoura, ils sont fous sahihain. Enfin, pour l'instant, on fait passer ad-daoura avant. العادة فلهذا الشيخ الفوزان إلى ست الحالة الأولى العادة si tu peux pas العادة tu reviens تمييز الدم لأن الحديث إلى ضعيف donc محمد بن عمرو تفرد بهذه الرواية العلماء بعض العلماء كالنسائي وابو حاتم ils ont rejeté cette رواية الحالة الثانية واضحة تفضل عندما أولا c'est quand tu reviens الحالة الثانية سي نعم إذا كانت العادة غير معروفة مضطربة تغذية تمييز ماذا سيكون الحالة الثانية الآن تمييز ماذا الدم بمعنى الصفات يعني إن غير يعني صفة الدم كان بتغيير الدم الحائض نعم إذا كان الدم له أوصاف دم الحيض فعليه حائض ثم si le sang il redevient normal elle est plus حائض تغتسل هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره إذا لا الإشكال الآن ألا قد عادة أي مضبوطة معروفة son cycle il est مضطرب جدا Une fois c'est le début du mois, une fois c'est le milieu, une fois c'est la fin, une fois c'est 4 jours, une fois c'est une semaine, une fois c'est 10 jours. Elle ne peut pas se baser sur ça. Kadhalik, elle ne peut pas faire la différence entre les deux sangs. Tout le moi maintenant c'est le même sang. Elle n'arrive pas à faire la différence. Qala wala sifatun tumayyizu biha al-hayd min ghayrihi fa innaha tajlis ghalib al-hayd 6 ayyam aw 7 ayyam min kulli shahr. Hasa qawl annaha al-sabah sur al-ghalib. Maintenant la plupart des femmes c'est 6 jours ou 7 jours. Ça, elle choisit dans le mois 6 jours ou 7 jours, elle délaisse salat. هذا القول فيه نظر. لأن ne pas faire salat et ne pas faire siyam, c'est à cause de l'haïd. Et en fait, elle n'a pas vu l'haïd. Et ça arrive que des femmes, elles n'ont pas de haïd. Ça arrive. فلماذا lui donner حكم الحائض. هذا القول فيه نظر. كذلك, le fait de se baser sur 6 ou 7 jours, بعض العلماء disent là. بعض العلماء disent elle se base sur ses proches. Maintenant, sa sœur, sa mère, sa fille. Maintenant, elles ont le haïd au début du mois. Tous à peu près 5 jours. Enfin, elle arrête de faire salat au début du mois 5 jours, en se basant sur ses proches. Ça, c'est un qawl. Bardohum, ils vont dire, elle arrête akter le haïd. Maintenant, elle ne fait pas salat, elle se base sur les femmes qui ont le haïd, le cycle le plus long, 15 jours. Elle arrête 15 jours. Bardohum, ils vont dire, elle se base sur l'aql. Un jour, وهكذا, خلاف واسع بين أهل العلم. Et on va voir الصواب. Inch'Allah ta'ala. الآن, on lit فقط الحالة, le cas, ثم, sur ce cas-là, Inch'Allah, on détaillera قليل, pour voir c'est quoi الصواب. أما الحالة الأولى والثانية, Inch'Allah, c'est clair. قال الشيخ الفوزان, إذ لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر لأن هذه عادة غالب النساء. فساسا قول فيما أذكر قول الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش صحابية رضي الله عنها قال إنما هي ركضة من الشيطان أي الاستحاضة. قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. تحيضي أي كنت في période de حيض 6 ou 7 jours. Voilà où tu fais pas la différence. 6 ou 7 jours, c'est comme si tu étais en état de haïd, t'arrêtes de faire le salat, t'arrêtes de faire le siyam, et là, akhri. Qala thumma ightasili. Lianna, cette période, elle est finie. Période de l'haïd. Qala fa idha stanqati. Ay, tahara. Tatahharti. Qala fa salli 24 ou 23, ay, le reste du mois. قال وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك افعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث اللي واضح إلى صريح أنها لغت 6 jours أو 7 jours لقول كلا سيدة شغل فوزان لكن الحديث اللي ضعيف. قال رواه الترمذي وقال في الحاشية حسن صحيح وأبو داود بن ماجه وأحمد والحاكم وقال صحيح وحسنه أحمد والبخاري. Toujours la même page du Fath al-Allam. Al-Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayhi, il a cité le hadith. Page 392 d'Aiman. Hadith Hamna, bin Jahsh. Hadith numéro 134 fil boulour. Qala al-Hafid, rahmatullah alayhi, wa an Hamna bint Jahsh. Qalat kuntu ustahad, haydatan kathira, shadida. Qalat fa'ataytu al-Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, astaftiya. Et ça, c'est un adab jamil. Sahabiyat, elles avaient un ishkal, elles revenaient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وهكذا المؤمن والمؤمنة. Ishkal, il revient à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yuqallid fulan, wala il revient al-katra, wala fulan il m'a dit, la. Il cherche un dalil. Qalat, faqala, ay sallallahu alayhi wa sallam, innama hiya rakdatun min ash-shaytan. Fatahayyadhi 6 ayyam ila akhiri. Le hadith qu'on a dit. Il l'a اختصر هنا. Comme le hadith, il est plus long fil boulou. قال الحافظ رواه الخمسة إلا النسائي قال وصححه الترمذي وحسنه البخاري. قال الشيخ محمد بن حزام حفظه الله ضعيف في الحاشية ضعيف رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. دوك محمد بن عقيل اختلف العلماء فيه. Est-ce que son hadith il est acceptable ou là? Ou le rajih, ضعفه. كما قال شيخ محمد هنا إلى شوزي هو أن الراجح ضعفه. وقال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في الفتح قال وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن مندة ونقل الاتفاق على تضعيفه من ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل قال ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه تفرد بروايته. هذا التفرد يضر لأن هذا الرجل عبد الله بن محمد بن عقيل اختلفوا فيه تفرد بالرواية لا شك أن الحديث فيه شيء. لماذا لزود رابورتور إذن باسيتي هذا؟ قال والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به. أما هنا قالوا وأحمد وصححه وحسنه أحمد فيا خلاف اسكو الإمام أحمد رحمة الله عليه لا حسن الحديث أم لا؟ الحافظ ابن رجب تعلمون إمام في السنة يكون تخبير مذهب الإمام أحمد فهو الآن يجزم il est sûr en l'imam Ahmed il a rejeté ce hadith. قال والمعروف عن الأحمد عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال ليس بشيء أي حديث وقال مرة ليس عندي بذاك وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا. نعم فاطمة بنت أبي حبيش تقدم معنا. قال وقال مرة في نفسي منه شيء لأن مثل هذا التفرد من هذا الرجل عبد الله بن محمد بن عقيل اختلفوا فيه بعض علماء ضعفوا كالدارقطني وابو حاتم. قال ولكن ذكر ابو بكر الخلال ان احمد رجع الى القول بحديث حمله سو حديث. نعم فابو بكر الخلال الى سته ان احمد الى غوفنيا سو حديث والاخذ به والله اعلم. اما الامام احمد انه الى غوفنيا الى بخي الاحكام من الحديث فربما الله أعلم لأن مذهب السيت هذا فسيبقصك شيخ الفوزان كذلك إلى شوازي مذهب الإمام أحمد أنها السيس وسجور الدل الصلاة فالله أعلم ونبقى لزود خقوالي سوء أصح إن شاء الله وفيغا دماء أو سيال الوقت لا ذهب الوقت. على كل حال سحديثي ضعيف والله أعلم. قال وقد أنكره ابن المنذر أيضا في الأوسط الإمام ابن المنذر في كتابه العظيم الأوسط كذلك أنكر هذا الحديث فالحديث إلى ضعيف. أما أقوال العلماء إن شاء الله تعالى on verra demain on essaiera de détailler cette مسألة. قال شيخ الفوزان والحاصل مما سبق on fait un résumé ثم demain بإذن الله عز وجل on détaille le troisième cas comment elle fait هذه المرأة elle n'arrive pas à mêler le sang qu'après ça que sa daura n'est pas stable. Enfin, comment elle fait le sang il est permanent est-ce qu'elle est en état de haïd ou pas si elle est en état de haïd combien de jours quand Inch'Allah on détaillera ça maintenant on va lire le chef Fouzan قال والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها هذا أولا معتادة أي elle a un cycle stable connu précis elle revient chaque mois à ce cycle. قال والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز celle qui peut faire la différence entre les deux sons elle revient et elle fait la différence entre les deux sons. Si c'est le sang de haïd elle arrête le sang elle arrête le sang elle est haïd elle a ce sang de haïd. Si c'est pas le sang du haïd maintenant il s'arrête au bout de 6 jours ça redevient du sang normal فالأمر il est واضح. قال والفاقدة troisième cas il est là l'ishkal والفاقدة لهما elle n'a pas une daura stable elle ne peut pas se baser dessus et elle ne fait aucune différence le sens est toujours le même. قال والفاقدة لهما تحيض ستا أو سبعا l'avis de Cheikh Al-Fawza أي مذهب الحنابلة. قال وفي هذا جمع بين السنن نعم لكن حديث حمنا il est ضعيف donc on verra qu'il y a un khilaf بين العلماء et inshallah on choisira le qawl الصحيح. قال وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وتقدم أن الأحاديث ضعيفة حتى في التمييز الحديث إلى ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامات التي قيل بها ست أي pour différencier entre الاستحاضة والحيض أو comment elle fait المستحاضة est-ce que elle, comment elle fait pour reconnaître sa période de haid? Six choses. Il va citer trois, faqat. Les trois autres, c'est, il va citer les trois cas qu'on a lus. Qala imma al-'ada. Fa inna al-'ada aqwa al-'alamat. Naam, li anna al-hadith li fi sahihayn. Il nous قدم على التمييز. Fa al-'ada aqwa al-'alamat. Et hatta hadha fi nazar. On verra, il y a بعض العلماء qui disent ربما العادة تختلف. Et pour eux, le temyiz, c'est aqwa. Li anna al-asl c'est dam. الأصل سدم دوس ست مسألة دم الحي. قال والعلامات التي قيل بها ست إما العادة فإن العادة أقوى العلامات أي عند شيخ الإسلام لأن الأصل مقام الحي دون غيره وإنما وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. deuxième cas la différence entre les deux sont وإما اعتبار غالب عادة النساء. Aïe, elle ne fait pas la différence. Et elle n'a pas une daura stable. La chère l'islam, troisième cas, elle se base sur le cycle de la plupart des femmes. Ils ont dit 6 ou 7 jours. Mais le hadith, il est daïf. Là où thabata ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, là chaque, on sera obligé de revenir à hada. Lakin ma thabat. Qal wa imma atibar ghalib adat nisa li anna l'asl ilhaq al-fard bil a'am al-aghlab. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. السنة certains cas, أما d'autres cas c'est le hadith il est ضعيف, والاعتبار. الاعتبار نعم أنه il se base مثلا cette femme vu qu'elle a plus le choix, vu qu'elle ne sait pas, elle se base sur le cas des autres femmes. لا بس on verra أقوال العلماء est-ce que هذا سصواب أم لا demain إن شاء الله. قال ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها. نعم ثم il a cité les autres choses. Lakin, nous, ce qui nous intéresse, c'est les trois cas. L'essentiel, c'est de comprendre هذا. Il y en a asl, mas'alat, l'isti'adha, ça tombe sur ces trois cas. قال وقال في النهاية. وقال وهو في مجموع الفتاوى. Toujours كلام شغل الإسلام. وأصوب الأقوال. اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة. وإلغاء ما سوى ذلك. نعم. Donc, les ulama, ils se sont beaucoup basés sur ces trois cas. Et le reste. Il y en a ces trois cas, جاءت في السنة. إما صحيحة إما ضعيفة فالعلماء اختلفوا فيها أما لزود كالا فنحن نغس sur ces trois cas إن شاء الله demain on complète هذا الآن الحمد لله c'est compris les trois cas. On répète premier cas elle se base on est الاستحاضة على un écoulement de sang permanent. Elle se base sur sa daura son cycle chaque début de mois 5 jours. Donc chaque début de mois 5 jours elle était habituée à avoir son cycle cette période. Donc à cette période, chaque début de mois 5 jours, elle arrête salat, elle arrête siyam, elle en est à tahayyud. Deuxième cas, mustahada toujours, elle arrive à faire la différence entre les deux sangs. Quand le sang de l'haïd il arrive, elle en est à tahayyud. Troisième cas, elle n'a pas un cycle stable, elle n'arrive pas à faire la différence entre les deux sangs. ففي هذا العلماء اختلفوا. بعض العلماء قالوا 6 ايام 7 ايام, بعض العلماء قالوا اكثر اقل. بعض العلماء يدي اذا لبان اتت حيض اصلا اللي بان اتت حيض dans ce cas là elle fait salat et siyam. Il faut un délil pour lui montrer qu'elle arrête salat ou siyam. Demain, inshallah, on verra al-qawl al-sahih. Thumma, Cheikh al-Fawzan l'a cité kalam Cheikh al-Islam de Taymiyyah, le résumé. Et inshallah, demain, on rajah, on lit kalam Ahl al-Ilm. Et inshallah, on finit le bab ma yalzam al-mustahada fi hal al-hukm bi taharatiha. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. كسكان إشكال يتفضل أو نكتفي بهذا إن شاء الله دماء سأسوق بلك لا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.